Chapitre 9e. Une semaine après cette malencontreuse entrevue, tout ce que Mrs. Barnaby possédait sur terre, à l'exception de son argent, était déposé au roulage qui faisait le service entre Silverton et Exeter, et le lendemain elle-même, sa nièce et sa femme de chambre, qu'elle avait surnommée Jerningham, les deux dames de la diligence et la bonne dessus, se mettaient en route pour cette belle et ancienne cité de l'Ouest. Avant de les suivre jusque-là, il nous faut nous arrêter un moment pour dire un long adieu à la pauvre Miss Compton. Malheureusement, aussi bien pour la disposition de son esprit que pour ses jambes, elle était déjà presque arrivée à sa destination lorsque le fermier Wright parvint à l'atteindre. La fatigue et l'émotion avaient tellement surpassé ses forces physiques et intellectuelles que s'étant mise au lit aussitôt rentrée, elle dut y rester pendant plus de 15 jours, prise de fièvre assez sérieusement et se croyant bien plus malade qu'elle ne l'était. Pendant plusieurs mois, elle n'eut pas même la pensée de séparer l'innocente image d'Agnès du souvenir offensant de Mrs. Barnaby. La caresse que la pauvre enfant avait voulu lui faire avec une tendresse et une sympathie si vraie fut la seule chose qui resta d'elle dans l'esprit de Miss Compton, mais pour n'y faire naître que de l'indignation. Car elle était parfaitement convaincue que la chère amour de Mrs. Barnaby ne pouvait manquer d'être aussi détestable qu'elle, et s'imaginait que la seule différence entre la pauvre fille et son odieuse tante était de savoir mieux dissimuler ses sentiments. Toutefois, malgré ces désagréables suppositions, la vieille dame retrouva graduellement sa santé ainsi que sa tranquillité d'esprit habituelle, se persuadant même parfois qu'il était fort heureux qu'elle ne se fût pas laissée séduire par l'apparence d'Agnès, car elle eût sacrifié son propre bien-être au bonheur d'une fille artificieuse qui, après tout, était aussi bien la petite fille d'une Wisset que celle d'un Compton. Pendant les années de prospérité durant lesquelles Mrs. Barnaby avait été la maîtresse de sa confortable maison de Silverton, elle ne s'était jamais considérée comme un personnage aussi important qu'à cette heure où elle n'avait plus de maison du tout. Partie en voyage munie d'une bourse, suivant elle fort amplement garnie, dont elle était maîtresse absolue, en compagnie d'une nièce extrêmement belle à laquelle elle devait servir de chaperon et d'une femme de chambre à ses ordres, tout cela présentait à son esprit une certaine élégance, une indépendance dont elle n'avait jamais encore goûté le charme, et si Agnès, qui était assise en face d'elle, n'avait été si fortement préoccupée par toutes les circonstances de son étrange entrevue avec sa tante Compton, elle aurait remarqué, non sans quelque embarras, la série de grimaces, involontaires peut-être, dont Mrs. Barnaby accompagnait la revue mentale de sa situation. Veuve, riche et belle. Le destin pouvait-il la placer dans une position qui lui plût davantage? Son cœur répondait non. Tandis que son esprit travaillait ainsi, ses noirs sourcils accentués s'élevaient, ses yeux lançaient des flammes et ses lèvres s'épanouissaient dans un triomphant sourire. La personne qui occupait l'autre coin en face d'elle était un beau jeune homme qui venait de la propriété d'un gentleman voisin et qui avait rejoint la diligence de Silverton. Il était totalement étranger aux environs de cette ville, et après avoir essayé vainement de découvrir les traits de la personne assise à côté de lui, dont un long voile de crêpe lui dérobait la vue, il s'était mis à regarder son vis-à-vis, dont un voile de crêpe très court ne cachait nullement le visage. « La mère et la fille, évidemment, » pensa-t-il. « Un jeune spécimen sans rouge ni moustache ne serait pas de trop. » Miss Barnaby, s'étant aperçue qu'il la regardait, s'efforçait de donner à ses traits une harmonie digne sans être austère. « Il fait bien bon de voyager ce matin, madame, » dit le jeune homme. « Aussi bon qu'une voiture publique saurait le permettre, j'imagine. Je suis si peu habitué à cette manière de voyager que je ne suis pas un très bon juge. Savez-vous où la diligence s'arrête pour dîner, monsieur ?»« Je ne saurais vous le dire, madame. Je n'ai jamais voyagé de ce côté. » »« Alors vous n'habitez pas les environs ?»« Non, madame. Je suis un oiseau de passage. C'est la première fois de ma vie que je viens dans le Devonshire. » C'est un bien beau comté, il me semble. Très beau. » Mrs. Barnaby tremblait que cette réflexion ne fût suivie d'une comparaison, car il n'entrait nullement dans ses intentions d'avouer, ni maintenant ni jamais, qu'elle n'en avait pas vu d'autre. Elle changea donc brusquement de conversation en ajoutant « Savez-vous, monsieur, s'il y a plusieurs voyageurs sur l'impériale ? J'espère que ma femme de chambre ne sera importunée en aucune manière. C'est la première fois de ma vie que je la fais monter sur une diligence. » « Pauvre femme, » pensa le jeune homme, « Elle a perdu son mari et sa fortune avec, probablement. Je voudrais bien voir cette grande jeune fille qui a une tournure si élégante. » Mais Agnès semblait peu disposée à lui fournir l'occasion d'en arriver à ses fins, car elle continuait à tenir ses yeux fixés sur le paysage, ce qui lui faisait presque tourner le dos à son curieux voisin. Le premier acte du chaperonnage assidu que Mrs. Barnaby comptait déployer au profit de sa nièce fut un acte obligeant. Elle s'aperçut du désir du jeune homme, et n'ayant pas le plus léger penchant à cacher la beauté de la nièce, dont elle comptait tirer tout le parti possible, elle s'écria « Voyez donc, chère Agnès, cette jolie chaumière. Ne dirait-on pas la parfaite peinture de la félicité rustique ?» Agnès obéit à l'injonction, et ses yeux, suivant le doigt qui lui indiquait la fenêtre opposée, son voisin put jouir pleinement de la vue de son profil exquis. L'effet produit par cette manœuvre ne fut nullement celui qu'en attendait Mrs. Barnaby. Le jeune homme regarda, mais loin d'être engagé à se lancer dans une causerie aimable parce qu'il venait de voir, il prit un air fort respectueux et demeura dans le silence. Or, un silence respectueux, même au temps où sa beauté brillait dans tout son éclat, n'avait jamais été un hommage auquel Mrs. Barnaby eût été habituée. Ceci l'embarrassa profondément, jusqu'à ce qu'une pensée, dont il nous faut parler à cause de l'influence qu'elle eut sur sa conduite à venir, vint la réconforter. Le voyageur qu'elle désirait si vivement captiver avait, en s'adressant à elle, pris ce genre qu'un jeune homme qui n'est ni gauche ni timide croit pouvoir se permettre vis-à-vis d'une femme qui n'est plus de la première jeunesse et qu'il juge être d'une condition vulgaire. Mais du moment qu'il avait entrevu les traits d'Agnès, sa beauté fine et aristocratique lui avait fait immédiatement sentir qu'il n'avait aucun droit à adresser la parole à des femmes comme il faut auxquelles il n'avait pas été présenté. « Voilà qui est bien singulier, » pensa Mrs. Barnaby. « Elle est certainement extrêmement belle, tout aussi belle que moi, au temps du pauvre cher Tate. Et pourtant, dès l'instant où ce jeune homme l'a vu, ses manières aimables ont changé tout d'un coup. Le voici maintenant aussi maussade qu'un enfant à l'école. Il est bien positif qu'elle ne me ressemble en rien. Et qui sait, mon genre de beauté plaît-il peut-être davantage aux hommes ? Quant à celui-ci, le doute n'est pas permis. » Et ce serait une bien grande folie à moi de croire qu'avec ma figure et ma tournure, surtout quand je pourrais refaire de la toilette, je ne puisse pas supporter la comparaison avec elle. Il ne faut pas pendant quelques années encore que j'aille m'imaginer que tous les regards qu'on nous lance sont adressés à l'enfant plutôt qu'à la femme. Au bout du compte, je ne me rendrai pas justice. Mettons-nous bien cela dans la tête. Cette agréable pensée semblait être l'appoint qui manquait pour que le voyage fût parfaitement délicieux. Et la réserve persistante du jeune homme ne put arriver à troubler d'une façon sensible l'entrain charmant de la veuve. On parle beaucoup de la fraîcheur des espérances qui font battre un jeune cœur au moment où il va faire sa première épreuve des joies de la vie. C'est une grande erreur, pourtant, de supposer qu'un sentiment de cette nature puisse égaler en force les jouissances d'une femme qui vient à peine d'être veuve, comme Mrs. Barnaby, peut trouver dans la perspective d'un avenir qui lui dilate le cœur. La voiture de Silverton descendait ses voyageurs à l'hôtel de la rue près du cimetière, et mon héroïne, qui se trouvait pour la première fois de sa vie dans une auberge où elle pouvait donner des ordres selon son caprice, résolut de jouir du double avantage de passer pour une lady de grand genre et de grande fortune, et de prendre le plus grand soin de sa chère personne par-dessus le marché. « Madame désire des chambres, » articula la tête d'un garçon d'hôtel, s'introduisant tout à coup dans l'intérieur de la diligence. « Oui, jeune homme, je désire les plus belles chambres de l'hôtel. Où est ma femme de chambre ? Qu'elle se tienne à mes ordres aussitôt que je serai descendu de la voiture. Nous n'avons rien que trois malles, une boîte carrée, une boîte à chapeau, deux sacs de nuit et mon nécessaire de voyage. Qu'on transporte le tout dans mes appartements. Maintenant, ouvrez la portière, que je puisse descendre. Agnès, suivez-moi. Jeune homme, vous viendrez immédiatement prendre mes ordres pour le thé. » Le garçon s'empara de deux chandelles allumées qui étaient sur le comptoir pour éclairer ses dames et monta l'escalier devant elle, ses deux chandelles à la main, tandis que Mrs. Barnaby le suivait en grand apparat. Agnès et ma femme de chambre venaient derrière. « Cette chambre est extrêmement sombre et désagréable. Envoyez-moi le maître de la maison, je vous prie. Je désire lui donner mes ordres à lui-même. Mon maître est sorti, madame. Sorti, voilà une négligence. » Peut-être ferais-je mieux de m'en aller dans un autre hôtel, où j'aurai du moins la chance de voir la tête de l'établissement. J'étais habitué à être traité tout autrement qu'avec négligence, jeune homme. Les gens de ma sorte sont rarement accoutumés à cela. Si vous voulez bien, milady, me donner vos ordres, dit très respectueusement le garçon, vous verrez que vous trouverez ici tout ce que comporte une maison de premier ordre. Alors, je vous en prie, envoyez-moi ma femme de chambre. Ah, vous voilà, Jerningham. Oui, madame, répondit la nièce soubrette, tout en retroussant son voile, présent de Mrs. Barnaby, pour mieux regarder les fenêtres à draperie et les autres belles choses que rencontraient ses yeux. Vous veillerez, Jerningham, à ce que mon appartement de nuit soit supportable. Il faut dire que Betty Jacks, quoique paresseuse et sans soin, était loin d'être bête. Mais elle avait à peine 15 ans, et son expérience n'ayant pu jusqu'ici s'étendre sur une bien vaste échelle, 9 fois sur 10, elle ne comprenait pas un mot de ce que sa nouvelle maîtresse lui disait. En recevant l'ordre ci-dessus mentionné, elle médita pendant un instant sur ce que pouvait bien être un appartement de nuit supportable. Mais la sagacité qui lui manquait pour résoudre ce problème ne lui fit pas défaut, pour lui suggérer cependant de ne pas avouer son ignorance, et elle répondit hardiment « Oui, pour sûr, madame. »« Allez alors, » dit la dame, jetant languissamment sa noble personne sur un sofa et se tournant vers le garçon qui était resté tout ce temps la main sur le bouton de la porte. Elle lui dit, avec l'air d'une duchesse qui commande, « Apportez-nous du thé, du sucre, de la crème, des rôtis beurrés et des muffins aussi, si c'est possible. » Agnès, mon amour, je crains vraiment qu'il n'y ait pas place pour vous sur ce sofa. Asseyez-vous donc, ma chérie. Installez-vous bien commodément sur une chaise. » Les deux dames demeurèrent seules, Betty Jacks ayant joyeusement suivi le garçon dans les régions supérieures. « Qui peut bien être votre maîtresse, ma chère ? » dit-il, en lui donnant une petite tape sous le menton. « Elle ne doit tenir à aucune de nos grandes familles du comté, car ces personnes-là ne voyagent guère en diligence et sans emmener toute leur maison. » Betty, pensant que cela lui ferait beaucoup d'honneur d'être au service d'une vraie grande dame, répondit prestement, « Si vraiment elle est une vraie grande dame, monsieur l'impudent, nous arrivons de Silverton, et c'est une des plus belles dames de la ville. » « De la ville ? Ah, je comprends, » répéta le garçon d'une façon significative. « Bon, voilà-t-il pas que j'ai déjà oublié ce qu'elle m'a commandé de faire ?» dit sans rougir Betty, qui voulait se faire expliquer les ordres de sa maîtresse. « Eh bien, elle vous a commandé de veiller à son lit, de préparer son bonnet de nuit, je suppose. Allons, vous n'êtes pas encore complètement sorti de votre coquille, ma grande perche, mais vous irez loin. C'est bon, donnez-moi une chandelle. Là, voilà ce qui s'appelle un bon garçon. Mais où est-il, son lit ? Oh là, Suzanne, montrez à cette jeune soubrette une chambre à 2 lits pour ces dames, et une autre pour elle aussi, je pense. À vous dire vrai, Suzanne, je ne crois pas que la grande dame là-haut paye comme une duchesse. Mais fiez-vous à ma parole, elle vous relèvera du péché de paresse, pour peu que vous ne la serviez pas comme telle. « Comment est-elle venue ? » demanda avec aigreur la fille de l'hôtel. « Par le royal régulateur, » répondit le garçon. « Mais à l'intérieur, Suzanne, à l'intérieur. Et avec sa femme de chambre que voici. Ainsi, faites attention à ce que vous avez à faire. » Toutefois, Mrs. Barnaby prit son thé à son entière satisfaction, quoique le maître de l'établissement fut resté à cet égard dans la plus complète ignorance. Et s'étant appuyée sur le pauvre petit bras d'Agnès pour gravir le second étage, elle parut fort satisfaite de sa chambre. Elle l'avait tenue à montrer qu'elle n'était pas habituée à de pareilles fatigues. Le lendemain, son déjeuner l'enchanta, et à peine fut-il achevé qu'elle se mettait en route pour aller à la recherche d'appartements aussi bien que d'aventures.